Mes amis, les vacances sont finies, c'est le retour du dur labeur. Humiliation de stagiaire, sévices sexuels sur bambou, persécution du service comptable qui refuse toujours de me donner la carte de crédit Visa Master Gold Premier Express de la radio, harcèlement de la direction pour que le droit de cuissage sur la standardiste me soit enfin octroyé. Bon, c'est vrai, Christophe, c'est pas qu'elle est belle. Mais je pense que je pourrais me faire un petit complément d'argent si je la prostitue. Non, c'est vrai. Didier, elle devrait faire l'affaire dans un bordel pour non-voyants. Ça, je te confirme. Bon, en tout cas, j'ai passé des vacances plutôt réussies. Au début, j'ai eu un peu peur. Hein. Pour vous dire la vérité, j'ai craint un instant de m'emmerder comme une pute vierge pendant ces 2 mois. Pas la moindre trace de canicule. Les vieux étaient en pleine forme. Mes amis, les filles de joie, pour pas dire les putes, étaient en vacances sur les périphériques de Marseille et de Toulouse. Aucun gamin dans la cour de récré de l'école. Bien sûr, j'avais plus personne à qui jeter des pierres. Bref, une catastrophe. Et puis la lumière est venue de chez mon voisin. Vous savez, le PD tropical, Zouzou. Un soir, il débarque en string à la maison. Tiens à moi, tiens à moi. Qu'est-ce qu'il veut le chasseur de fion? Les Zouzou, il y a une idée trop bonne, c'est race. On va mettre le chauffage à fondo dans les meubles pour créer climat caliente. On va inonder le rez-de-chaussée pour faire piscine. On va mettre des lumières 100 000 watts pour faire le soleil. Comme ça, tout le monde à poil, tout le monde chanson, tout le monde fête les fesses. Oh, le Zouzou content comme colibri qui chante et qui pète. Zouzou, si seigneur. Bravo, mon ami Boufkoué. C'est l'idée du siècle. Je suis fier de toi. Bah, le Zouzou content, Zouzou va chanter les lacs du Connemara. Là-bas, ou Connemara. Et puis on s'est installé. Ah, on a tout fait comme le Zouzou l'avait dit. Non, c'est un bout tropical. En moins d'une semaine, tout le quartier est au courant de nos petits changements dans l'immeuble. Ça a débarqué de tous les côtés pour faire de la bronzette la journée, pour faire la fête le soir. Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai organisé un concours de jet ski dans le hall de l'immeuble. Un des participants a paniqué. Il a traversé la porte d'entrée de l'immeuble et son jet ski s'est planté dans un fourgon de police. Apparemment, c'est interdit de faire ça comme travaux. On m'a mis une amende, j'ai même reçu la visite d'un expert envoyé par l'assurance du syndic de la copropriété. Bonjour, monsieur Perchu. Je me présente. Monsieur Voirla, expert. Ah, c'est quoi ton petit nom, monsieur Voirla? C'est Sylvain, pourquoi? Écoute-moi bien, Sylvain Voirla. Mes amis et moi, on est bien ici. Enfin, on s'amuse et on passe un peu de bon temps. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Mais monsieur Perchu, c'est interdit de faire une piscine dans le hall d'entrée de l'immeuble. C'est interdit de mettre en marche le chauffage au mois d'août. Surtout le faire monter à 35 degrés. Et je ne crois pas que vous ayez autorisé à arracher la cabine d'ascenseur pour faire un plongeoir. Ah, tu dis ça parce que t'es énervé, mon Sylvain. Tu t'énerves parce que t'es une sale gueule et que pour toi, ça doit pas rigoler tous les jours avec les gonzesses. Je serais même pas étonné que tu sois encore puceau avec ta tête de poivron mal farci. Monsieur Perchu, je vais faire un rapport cinglant au syndic de l'immeuble. Bon, très bien. Tu l'auras voulu, mou du cul. Je l'ai chopé, le Sylvain, je l'ai attaché, je l'ai déguisé en otari. Je l'ai posé à côté de la piscine pour décorer. Les gamins s'amusaient avec pendant la journée. Eh oui, quelquefois, le soir, c'est Zouzou qui l'a ramené chez lui pour se défouler d'une journée bredouille en émotion. Non. Alors lâché il y a 3 jours. Ah, fallait voir ça, il voulait plus partir, le sagouin. Il avait pris goût à la turbine à mazout version tropique. C'est une nouvelle expression. Super. Du coup, on a passé un marché avec lui. Si l'assurance rembourse tous les travaux, Zouzou veut bien l'emmener bosser avec lui le week-end au bois de Boubou. Ça lui fera du bien d'avoir le nez dans l'herbe et les fesses en hauteur du parc-mètre. Bon allez, je me sauve. Les gamins sont rentrés, c'est l'heure de la récré. Je vais aller leur faire pipi dessus à ces petits cons. Au revoir, Zen.